da vivre toute vie à nous et précise vieillir ensemble. C'était mon accueil, nous t'es fait là. C'était fouillé à l'embout. Pas t'es venu par accident. C'était fouillé à l'embout. Nous t'es saisi pour réfléchir. C'était fouillé à l'embout. C'était fouillé à l'embout. Ça nous fait toujours te réfléchir. C'est si mon accueil nous t'es fait là. Depuis un bout de nous t'es caché rio. C'est pour ça pour maman papa.